Tu dis clairement à ton peuple que ce n'est pas à cause de ta justice, car le cœur a souvent été rebelle, même après tant de signes et de promesses. Tu rappelles le veau d'or, la colère, l'intercession et la grâce qui a tenu plus fort que l'orgueil de la nation. La grâce est plus grande que notre rébellion. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous marchons dans ta faveur, mais à cause de ta fidèle alliance et de ton immense amour, Seigneur. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous entrons dans la promesse aujourd'hui, mais parce que ta grâce a parlé plus fort que nos forces.